This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. Salut à tous. Épisode 3 de Milky Waves. C'est tout de suite sur Vibration 107.2 Bruxelles et 91.0 Mons. Lolo alias Airwave est toujours aux commandes de ce Milky Waves. Et cette semaine, nous rejoint au platine DJ Fire, l'anversois bien connu de tous les clubs comme le Club X. Oh, il a joué pas mal de clubs dans la région d'ailleurs. Je n'ai pas tous ces numéros ici. En tout cas, toujours actif, toujours au taquet. Et DJ Fire, cette semaine, commençons set avec Agoria Scala. Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. Bye. Agoria et son Scala. C'est dans l'épisode 3 de Milky Waves avec DJ Fire au platine. À suivre, Airwave et Jimmy Gall. Et leur Caraba, remixé ici par Samotarev. This is Milky Waves. Milky Waves. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Milky Waves. C'était donc Airwave et Jimmy Gall et Caraba remixé par Samantha Rive. Un garçon que l'on voit souvent remixer pas mal de titres bien branchouillards pour le moment. Et donc ça me faisait plaisir de l'avoir sur le single aussi. À suivre Casal et Daydream, la version vocale. Daydream in the dark. Yeah. Daydream. Daydream. Daydream. Daydream. Daydream in the dark. Dark, dark. C'était donc Casal et Daydream, là, le vocal mix. Daydream. Vous êtes toujours dans Milky Waves, épisode 3 avec DJ Fire au platine, jusqu'à 21h. À suivre maintenant, tout de suite, l'Israélien, la légende Moshik, avec son Friend with Money and Power. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Milky Waves. C'était donc le sympathique Moshik, qui est très présent ces derniers temps avec son label Contrast Records, ainsi que de nombreux remixes et releases sur Bonsai Progressive. À suivre, Kolsch der Alte. This is Milky Waves. We'll be right back. Vous venez d'entendre Kölsch d'Eralte. Et tout de suite, c'est EDX ou EDX qui nous vient avec son Reckless Ardor. Un mix donc bien festif de la part de DJ Fire. Je crois qu'il est déjà en été dans sa tête. Ça tombe bien. Bientôt le printemps qui va pointer le bout de son nez. Après EDX et Reckless Ardor. C'est au tour de Chico Secchi et Fabio B de nous rejoindre à l'antenne de Vibration. Crosses, remixé ici par Simone Vitullo. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. Streets outside your Secchi et Fabio B. Crosses remixé par Simone Vitullo. C'était dans le mix de DJ Fire pour l'épisode 3 de Milky Waves que vous entendez en ce moment jusqu'à 21h sur Vibration.fm 107.2 Bruxelles et 91 Mons. À suivre Mr. Probs Waves remixé par Robin Schulz. Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away. Wave after wave, I'm slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the time. You are not around, I'm slowly drifting away.

Milky Waves. Milky Waves. Ah bah ceux qui aiment la house vocale, ils sont servis ce soir avec DJ Fire. C'est très groovy. Ah ça plaît hein. C'était donc Fairplay et All By Myself. Et maintenant c'est au tour de Cordoba et Surface, remixé par Mind Gamers. C'était donc Cordoba et Surface Mind Gamers Remix. Et on va terminer ce mix sous des cieux plus cléments, comme diraient certains, avec Thorin Hallucinogène, remixé par Beatmaniacs. Waves épisode 3, c'est terminé. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine en notre compagnie, Vibration.fm, 107.2 Bruxelles et 91 Mons. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Milky Waves. Ce sera donc l'épisode 4. Même endroit, même heure, Vibration, 20h, 21h. À la semaine prochaine, salut!